To be or not to be, not to be. La tête que t'as ce matin, on dirait un zombie. On a tous entendu cette phrase au moins une fois dans sa vie. En effet, c'est pas compliqué d'avoir l'air d'un zombie. En général, il suffit de laisser faire la vie. Un boulot crevant, des collègues relous, des transports en commun dans lesquels tu passes une plombe, des enfants qui ne font pas leur nuit, tu t'évertues à voter Benoît Hamon, et voilà, le tour est joué, une belle tête de zombie. C'est peut-être pour ça que les zombies sont la créature fantastique à laquelle il est le plus facile de s'identifier. Y a pas de concours d'entrée pour devenir zombie. Ils acceptent tout le monde. Le seul critère d'entrée, c'est de mourir. Et ça, bah, ça tombe bien, a priori, on sait tous le faire. Alors que pour devenir vampire, il faut connaître quelqu'un du milieu, il faut se faire mordre, il faut boire le sang du vampire qui vous a mordu. Ensuite, il y a tout un tas de règles à suivre. Il faut dormir dans une terre consacrée, il faut éviter la lumière du jour, un vrai bordel. C'est plus facile de devenir franc-maçon que de devenir vampire. Loup-garou, c'est pareil, c'est uniquement par cooptation. Alors que zombie, c'est ouvert à tout le monde. C'est un peu l'école publique du fantastique. En même temps, quand on regarde notre civilisation, déambuler dans des galeries, dans les galeries des centres commerciaux en période de Black Friday, qu'on voit chaque matin tous ces gens s'entasser dans un train ou un bus pour aller bosser histoire de pouvoir payer son loyer, quand on voit qu'on consomme les mêmes films, les mêmes infos, les mêmes experts dans les mêmes émissions, au cinéma, les mêmes remakes du reboot, de la préquelle, d'un franchise qu'Hollywood ne cesse de ressusciter, je me demande si au fond, on serait déjà pas tous un petit peu une belle bande de zombies. France Inter, Blockbuster, juste ici ça va. Frédéric Sigrist. Tout le territoire est étroitement surveillé. De nouvelles radiations sont détectées. D'après les experts, actuellement l'intensité de ces mystérieuses radiations est en augmentation constante. Tant que ces radiations ne seront pas neutralisées, tous les nouveaux cadavres se transformeront dans les minutes suivantes en monstres. Quelle que soit la raison de la mort, tous les cadavres reviennent à la vie pour chercher de nouvelles victimes. Le seul moyen d'éviter cela est de les brûler immédiatement. Le centre de survie du Pentagone nous informe à l'instant que l'on peut abattre ces êtres avec une balle dans la tête ou un violent coup sur le crâne. Les médecins et les spécialistes de la NASA nous ont expliqué que les radiations réanimaient une partie du cerveau. Il faut donc que le cerveau soit détruit pour anéantir ces êtres. En 1968, George Romero réalise pour un budget dérisoire un film qui va marquer l'histoire du cinéma fantastique et du cinéma politique. Un film qui donnera naissance à tout un genre, le film de zombies. Le nom de cette œuvre matricielle que tous les amateurs de cinéma se doivent d'avoir vu, La Nuit des Morts Vivants. Même si la filmographie de George Romero ne se limite pas aux films peuplés de créatures cacochimes à la recherche de chair fraîche, son nom reste irrémédiablement associé aux films de morts vivants. Le crépuscule des morts vivants, le jour des morts vivants, le territoire des morts vivants, chronique des morts vivants et enfin vestiges des morts vivants. Autant de films qui s'appuient sur ces créatures fantastiques pour brosser un portrait sans concession d'une Amérique capitaliste et va-t-en-guerre. Pour revenir sur la carrière de ce réalisateur culte qui nous a quittés en juillet 2017, terrassé par un cancer du poumon, j'ai avec moi mon comparse Dedo. Bonjour Dedo. Bonjour, je suis très content d'être là à nouveau. Alors, je rappelle que tu es humoriste, actuellement en tournée de rodage de ton troisième spectacle. Oui. Ainsi qu'avec ton premier projet musical, Princesse Leia. Exactement, tu as tout dit et de manière cacochime, parce que j'aime beaucoup ce mot maintenant que tu l'as. T'as vu ? Ça n'a rien à voir avec le contexte, mais je l'ai tellement aimé que je l'ai redit. Eh bien voilà, c'est très bien, mais je t'expliquerai en antenne, il est très très bien ce mot. Avec plaisir, ça fait très penser à Facochère. Également avec nous, Thibaut Hémin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur et enseignant en cinéma. Après des études à la FEMIS et un prix du court-métrage au Festival du film d'horreur de Los Angeles, vous préparez votre premier long-métrage, un film de science-fiction et d'horreur qui développe un tout nouveau concept d'épidémie. Tout à fait. Également avec nous, Vincent Malessa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour les Cahiers du cinéma et vous avez collaboré à l'ouvrage dirigé par Jean-Baptiste Torret, Politique des zombies, l'Amérique selon George Romero. Voilà. Alors ensemble, on va revenir sur la carrière de George Romero, sur sa saga zombie, et ce qu'elle dit de l'Amérique, mais aussi de nous. On parlera bien entendu de son amitié avec Stephen King, Dario Argento, Tom Savini. On verra qui aujourd'hui peut se revendiquer de son héritage, si héritier il y a, bien évidemment. Allez, il est temps de donner le coup d'envoi de notre série de 4 podcasts spécialement consacrés aux zombies. Et j'ai envie de dire, Romero, Romero, pourquoi es-tu Romero ? Les cadavres reviennent à la vie et se nourrissent des vivants. George Romero invented George Romero a inventé le genre des zombies en 1969. Et au fil du temps, personne ne l'a changé, ni a rien ajouté. Essentiellement, on ne fait que répéter ses idées. Je ne veux pas faire cela. On ne peut pas faire mieux que George. On vient d'entendre John Carpenter s'exprimer au sujet de George Romero, celui qui a tout inventé du genre du film de zombies. Alors, autour de cette table, je vais vous poser une question qui me semble évidente et indispensable avant de commencer cette émission, c'est qui est George Romero ? Thibaut ? Ah, bah c'est quelqu'un qui a commencé en montant des films d'actualité, des bandes d'actualité, n'est-ce pas, Vincent ? Il a fait des spots publicitaires, je crois. Enfin, il travaillait pour la télé, je pense, avec sa bande d'amis. Voilà. Il est né à New York. Ensuite, il a fait ses études à Pittsburgh, où il est resté, c'est ça. Il s'est fait une bande d'amis, et avec lesquels il a monté une société qui faisait des films publicitaires et institutionnels, avec lesquels il s'est fait la main, quoi. Voilà. Et il a commencé à 14 ans, c'est très très jeune. Oui, mais c'est surtout que c'était vraiment l'idée d'une bande d'amis. Et je crois que quand ils ont commencé dans la télé, c'était vraiment dans l'idée de se faire des fonds justement pour préparer un premier film. Et ils ont mis quelques années. Et dès qu'ils ont eu assez de fonds, en fait, ils se sont lancés dans l'aventure du premier film de Romero qui va changer l'histoire du cinéma. Et voilà, La Nuit des Morts Vivants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé cette société de production. Dès qu'ils ont eu les fonds, en fait, ils ont créé une nouvelle société de production, Ten Productions, je crois, et ils se sont lancés dans l'aventure avec très peu d'argent, 100 000 dollars. 114 000 dollars, précisément pour le premier. Dont, je crois, la moitié quasiment de leurs fonds, ils n'avaient aucun financeur, et ils se sont lancés dans l'aventure. Et voilà, et la société de production, en fait, qu'ils ont fait avant, je pense que c'était vraiment c'était vraiment avec des amis, et c'était dans une perspective purement de se former, ce que tu disais, de mettre ta main à la pâte. Est-ce que c'est vrai qu'il tournait le week-end ? J'ai lu ça, mais je suis pas... La Nuit des Morts Vivants ? Ouais. Ah oui, c'est commencé dans des conditions, je crois. Enfin, je suis pas l'histoire du film, il y a plein d'anecdotes. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils ont commencé, ils n'avaient pas assez. Enfin, les financiers sont venus au fur et à mesure et que la préparation a été... Et qu'ils ont tourné plein de parties du film dans des conditions vraiment amateurs. C'est-à-dire, déjà, le film, on pourra en reparler, mais vu qu'il avait peu de moyens... Il s'est fait avec très peu de moyens, c'est-à-dire qu'en fait, il filmait l'une des qualités du film, je pense y venir, c'est qu'il est filmé plus ou moins comme un reportage ou un documentaire. Oui, il y a quelque chose de très claustrophobique. Amateur, quasiment. D'ailleurs, réaliste. Est-ce qu'on peut faire un rapide résumé de La Nuit des Morts Vivants, d'Edo ? Oui, succinctement, on va dire que c'est un personnage qui se rend compte que, d'un coup, une menace donc zombie, pour le coup, est là, et apparemment, d'un côté extraterrestre, parce que selon les informations, on se dit tiens, c'est peut-être une météorite qui a fait quelque chose. On n'est pas sûr de la menace, quelque chose qui est très présent chez Romero, c'est qu'on n'a pas de raison officielle de pourquoi ça arrive. Et je trouve ça plus intéressant justement. C'est très typique de la peur au cinéma et en général quand elle est sans raison, je trouve qu'elle est beaucoup plus effrayante. Et donc à partir de là, on se rend compte que ce petit groupe qui va se former a besoin de se protéger et donc va se réfugier dans une maison et va essayer de faire face à cette menace. Ça commence avec une fratrie, Johnny et Barbara. Exactement, Barbara. Avec des scènes très fortes dans un cimetière, effectivement, où on découvre pour la première fois... Parce qu'ils se sont rendus dans un cimetière pour honorer leur père défunt. Et c'est là qu'ils rencontrent un premier zombie. Alors évidemment, ils ne savent pas encore que c'est un zombie. Non. Et il y a une bagarre qui éclate entre Johnny et ce zombie. Et Johnny, il laissera la vie. Et Barbara s'enfuit et trouve refuge dans une petite maison. Et alors, fait assez notable pour un film qui a quand même été réalisé en 1968, c'est qu'assez rapidement, elle est assiégée par des créatures. Et celui qui vient l'aider... celui qui va devenir le héros du film, c'est un Afro-Américain. Oui, effectivement, c'est novateur pour l'époque. Alors, Romero s'est toujours un petit peu défendu du fait que c'était pas quelque chose de politique au départ. Ouais. Maintenant, malgré tout, même si le message est inconscient, ça reste politiquement très fort, parce que le film, au final, parle aussi en sous-texte de répression. Et forcément de cette question raciale qui est très présente à l'époque, d'autant plus que voilà, Romero a toujours voulu quelque part parler de l'histoire des États-Unis et que la question de l'esclavage fait partie intégrante de son ADN. Donc forcément, mettre un héros afro-américain en tant que personnage protagoniste, c'est forcément un message fort par rapport à ça. D'autant que Barbara, quand elle le voit arriver, a l'air presque plus effrayé par lui qui rentre dans la maison que par les zombies qui assiègent la... En tout cas, c'est filmé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence où elle le regarde. Ça n'est pas... c'est pas appuyé, c'est pas ouvertement dit, mais on sent qu'il y a une inquiétude. Il est aussi inquiétant que les zombies. Hein. Et puis, je sais pas si on peut spoiler, mais je pense, vu qu'on parle d'un film... Oui, 68, on peut là. Mais voilà, y a, même si Romero se défend, tout, comme beaucoup de cinéastes, toujours de... Mais c'est réellement un cinéaste politique au sens où il est naturellement... Il vient avec sa bande de... C'est des contestataires, bien des sûr. Rebelles. Enfin, ils sont vraiment des enfants des années 60, c'est-à-dire et donc il y a la ségrégation évidemment au cœur du film aussi avec cette fin qui a été un des grands, peut-être une raison aussi du succès. Du succès du film, c'est qu'il y a cette fin horrible où en fait le héros se fait tuer d'une balle dans la tête parce que les milices qui en fait chassent les morts-vivants évidemment sont vues dans le film comme des sortes de milices de plus ou moins d'extrême droite et qui vraiment le fait qu'il soit noir des cowboys on est vraiment dans le on est voilà, dans les cowboys on est vraiment à la fin dans une fin très politique et même s'il s'en défend d'une certaine manière c'est une des fins les plus marquantes parce que ça ouvre vraiment tout un cycle de dans le film suivant Zombie c'est aussi le héros est aussi un afro-américain. On a régulièrement des personnages afro-américains toujours chez Thibault Hémin. Non je la divulguerai tout à l'heure mais j'ai une théorie très personnelle sur la fin d'ailleurs de la nuit des morts vivants. Je pense que personne ne l'a compris. et alors, ce qui m'a marqué quand, en préparant cette émission, c'est que quand on regarde la filmographie de Romero, on aurait pu penser qu'il avait d'entrée de jeu un goût, un appétit pour l'horreur, le fantastique. Or, ça a été le choix de faire un film d'horreur et un film de zombies. Initialement, ça a été quelque chose de très pragmatique sur le coût. De production que ça allait occasionner et surtout les bénéfices que ça allait avoir avec le public parce que créer un film d'horreur ça coûte moins cher et ça peut toucher beaucoup de monde. Alors ça c'est vrai parce que d'un côté c'est vraiment un moment où le film arrive à un moment où le Hollywood change complètement et ça Romero l'a dit dès l'époque en fait le système des studios était en pleine déliquescence et on est vraiment au tout début du nouvel Hollywood, ce qu'on appelle le nouvel Hollywood c'est vraiment la chute du système des studios et l'arrivée de cinéastes qui sont comme ça des jeunes loups. Alors il y a De Palma, il y a tous ceux qu'on connaît, Scorsese, c'est le début de toute cette génération de cinéastes. Et Romero en fait vraiment partie intégrante, sans être pour autant faire partie de la communauté, puisqu'il travaille avec sa bande à lui à Pittsburgh. Mais il y a la même logique évidemment de faire un film libéré, complètement indépendant. Enfin, l'idée vraiment c'est du cinéaste indépendant. Et du coup, clairement. Mais par contre, il y a une chose quand même, je sais que l'équipe a fait ça de manière un peu opportuniste, mais Romero était quand même un cinéaste qui a été bercé toute sa jeunesse, et on le voit dans tous ses films suivants, par les EC Comics, complètement, par l'imaginaire adolescent, pop culture, horreur. Et d'ailleurs, le film est quand même tiré d'une nouvelle de Matheson, je crois. Et voilà, donc c'est aussi... Romero, en tout cas, est pas... Inspiré par Je suis une légende de Richard Matheson. Comme Craven, par exemple, qui lui fait son premier film d'horreur... 72, c'est la dernière sur la gauche, de manière complètement opportuniste, sans aucun rapport avec le cinéma d'horreur. Romero, on peut vraiment voir, même au fil de son œuvre, qu'il a un rapport presque enfantin avec même dans La Nuit des morts vivants, qui est un film très, ce qu'on disait, politique, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi un côté fable. Oui, un côté fable. Et bande dessinée, lui, c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'imaginaire. Cet imaginaire-là. D'un cinéma fantastique, d'horreur, ou en tout cas science-fiction. Oui, je sais pas si on peut le taxer d'opportunisme. Oui. Ça me semble un peu. Par contre, c'est vrai que son rapport aux zombies, moi. J'ai l'impression, mais on y viendra, qu'il a peut-être été un peu victime du succès invraisemblable des zombies, qui sont sa création, parce qu'il a essayé de parler d'autre chose dans la suite de sa filmo, quoi. Et d'ailleurs, ce film a eu un énorme succès à l'échelle de son coût de production et mondialement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Il n'y a presque pas eu le côté réfractaire qu'on peut imaginer sur le genre à l'époque. C'est-à-dire que énormément de cinéphiles, de tout horizon confondu, ont reconnu les qualités intrinsèques de La Nuit des morts vivants. Ça a été un choc réel. Je crois que le film a fait... c'était le plus gros succès pendant très longtemps. Enfin, en tout cas, au rapport du budget et du résultat, c'est complètement phénoménal, en fait. Sauf ce qui est assez ironique, c'est que... Ça lui a rien rapporté. C'est que ça lui a rien rapporté. C'est vraiment le... Et à cause d'une histoire de copyright, et alors il faut en parler, parce que je pense que c'est ce qui a conditionné aussi énormément de ses choix cinématographiques ensuite. Pour une erreur il y a un changement de titre. De distributeur, et ils ont oublié de mettre le copyright sur le titre La Nuit des morts vivants, ce qui fait que le film est rentré dans le domaine public, et le producteur de l'époque n'a pas fait valoir son statut d'auteur, ce qui fait que Romero n'a rien touché. C'est assez amusant parce qu'il y a deux grands films c'est vraiment les deux films qui ont révolutionné le cinéma d'horreur, c'était celui-là et quelques années plus tard Massacre à la tronçonneuse. Et il y a exactement la même histoire avec une histoire de mafia de Tobe Hooper qui a été un film qui a peut-être pas eu le même succès que La Nuit des Morts Vivants, mais qui est quand même un film décisif et qui a été pareil, qui a touché absolument aucun. Donc c'est vraiment les deux Romero. En plus, ils sont morts quasiment en même temps. Enfin, Romero et Tom Hooper. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont fait les deux films les plus qui ont vraiment changé la face du cinéma d'horreur américain. Et tous les deux, leur premier film si important. D'ailleurs, ils ont couru après ce succès toute leur carrière. Mais ils ont rien touché sur ces films. Et puis au-delà de ce succès-là, on peut quand même totalement le légitimer par plusieurs facteurs. Déjà, c'est une nouvelle date c'est un film postmoderne en termes horrifiques parce que on est habitué à sortir des films de la Universal classique avec quelque chose d'assez convenu quelque part, comme des films de la Hammer où il y a des figures très Créature du lagon noir, exactement, des figures très Dracula. Connues de l'inconscient fantastique et presque caricatural. Là, on est dans quelque chose de nouveau dans le sens où c'est organique. Ça ressemble effectivement à quelque chose de très presque documentarisé. Donc, on est complètement dans une situation crédible auprès du spectateur et plus autant romancée que sur certains films. Donc, à partir de là, déjà, c'est nouveau. Et en plus, au-delà de ça, le film s'est fait aussi par le bouche à oreille parce qu'il a fait partie de ces films qu'on a catégorisé dans les Midnight Movies, des films qui passaient dans certains cinémas après minuit et qui faisaient que les gens voulaient absolument le voir parce que tout le monde disait « il faut que tu vois ce truc, c'est complètement fou, c'est complètement nouveau ». C'était le premier même. C'était le premier vrai grand succès Midnight Movies totalement, ouais, avec Reefer Madness, mais qui est beaucoup plus vieux pour le coup, qui a été moins catégorisé là-dedans. Donc effectivement, tout a été dans la bonne configuration pour que ce film devienne culte au fil du temps. Et c'est vrai que ça a été malin sans le vouloir. Le film est en noir et blanc, mais de manière consciente, dans le sens où effectivement, ils avaient moins à se soucier de la photo et de tout ça. Donc, et des maquillages des zombies. Et des maquillages qui étaient peut-être pas aussi performants qu'on aurait pu les voir, en tout cas en couleur. Et d'ailleurs, c'était initialement Tom Savini, grand concepteur d'effets spéciaux, qui devait réaliser les effets spéciaux de La Nuit des Morts Vivants, mais il avait été appelé au Vietnam durant le tournage, et c'est pour ça en fait que ils ont été obligés de prendre quelqu'un d'autre, ouais. Et que les maquillages sont un petit peu moins réussis dans La Nuit des Morts Vivants que dans Zombie et ensuite Le Jour des Morts Vivants, où Tom Savini là il a pu été récupéré. Donner son et d'ailleurs c'est une mise en abîme parfaite dans le sens où là c'est une critique aussi de la guerre du Vietnam en filigrane et du coup le faire par rapport à ça, par rapport à Savini qui est devenu une sorte de légende totale du maquillage des effets spéciaux. Savini a été lui-même reporter de guerre à ce moment-là, c'est ce qui lui a donné justement je pense cette capacité à pouvoir retranscrire aussi fidèlement ses entrailles et ses chairs visibles. Il a même fait pour, hein. Il a décidé de faire des effets spéciaux. Enfin, sa spécialité, c'est les gerbes de sang, ouais. Qu'on trouve dans Zombie. Et c'était vraiment parce qu'il a été tellement traumatisé par le Vietnam qu'il a vraiment voulu retrouver c'était complètement lié, en fait. Complètement, ouais. Et d'ailleurs, il y a eu des histoires pour le deuxième volet où il a été très frustré de voir qu'à l'écran, ce qu'il avait prévu ne rend pas de la même manière en termes de colorimétrie. À cause du transfert sur la pellicule. Exactement. Donc tout devenait un peu plus bleu au lieu de verdâtre et il a été très déçu. Ce qui fait que pour le troisième volet, pour Day of the Dead, il a vraiment travaillé énormément sur la pellicule, a fait des tas d'essais. Et là, du coup, c'est le film le plus réussi en termes d'esthétique et peut-être aussi même en termes de message, mais on en reparlera un peu plus tard. Eh ben, on va continuer de parler de George Romero, bien évidemment, mais pour le moment, on va faire plaisir aux camarades d'Edo en écoutant Rob Zombie avec Living Dead Girl. Oui. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Living dead girl. Eh oui, du Rob Zombie dans Blockbuster, évidemment, vous commencez à être habitué. J'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Céline là. Jeanne Paravert a préparé cette émission et à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz. Chief McClellan, how's everything going? Chief McClellan, où en êtes-vous actuellement? Oh, things aren't going too bad. Men are taking it pretty good. Ça va, les hommes sortirent bien, nous avançons régulièrement. Do you think we'll be able to defeat these things? Chef, vous croyez qu'on arrivera à les exterminer? Well, we killed 19 of them today, right in this area. On a descendu une dizaine depuis le début de la journée. Les trois derniers qu'on a eu essayé d'entrer dans une baraque. Enfin, je suppose qu'ils croyaient qu'il y avait des gens à l'intérieur. We heard them making all kind of noise. We came over and beat them off. On a été voir de plus près, on est arrivé, on les a descendus. Chief, if I were surrounded by six or eight of these things, what I'd... Il y en avait 6 ou 7 autour de moi. Est-ce que j'aurais une chance quand même de m'en tirer? Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Bah, il n'y a pas de problème. Si vous avez un fusil, vous visez la tête, c'est le plus sûr moyen de les tuer. Si vous n'avez pas de fusil, un gourdin et vous tapez dessus. Ou bien encore une torche pour les brûler. Well, Chief McClellan, how long do you think merci, Chef McClellan. Pourriez-vous dire dans combien de temps vous contrôlerez vraiment la situation? Well, that's pretty hard to say. We don't know how many of them there are. Nous ne savons pas combien ils sont. C'est seulement que lorsqu'on en voit un, on le tue. Are they slow moving, Chief? Ils avancent plutôt lentement. Yeah, they're dead. Oui, ils sont. Ils sont morts, quoi. Ils sont morts, quoi. Bah oui, oui, c'est la logique. C'est... Il y a un côté hyper pragmatique dans ce film, c'est-à-dire que bon, il y a une menace zombie, mais ils s'en émerveillent pas très très longtemps. C'est-à-dire que assez rapidement, les Américains, ils ont les pieds bien sur terre. Il y a une menace zombie. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On les bute, quoi. C'est ils sont assez pragmatiques, hein, Thibaut. C'est très très concret. Ben oui, mais c'est ça la nouveauté du film, c'est ce côté très pragmatique. On s'intéresse que, on est dans le ici et maintenant, les personnages sont dans le présent, des préoccupations très concrètes, trouver un abri, les provisions, comment sécuriser l'endroit, etc. Comment tuer les zombies. Et c'est ça aussi pour moi le propos du film. Évidemment, c'est la facilité avec laquelle les vivants, les humains peuvent glisser vers le fascisme. Et c'est vrai que pour moi, autant la menace zombie est une menace qui ressemble au cinéma de science-fiction américain traditionnel et à tendance anticommuniste, qui sont des films sur un individu menacé par une masse, par une foule. Là, on retrouve exactement ça, sauf que ce qu'il y a de fondamentalement nouveau, c'est que les vivants, les individus, eux aussi deviennent une foule assez rapidement, vers la fin du film. Ils deviennent cette foule menée par le shérif, une foule de nettoyeurs, miliciens, là, qu'on a entendu dans l'extrait, et qui deviennent beaucoup plus flippants que les zombies. Et il y a quelque chose là-dessus qui est intéressant, c'est aussi que le premier film, qui est vraiment la base avec cette horde de zombies, qui on ne sait pas d'où ils viennent, c'est une masse complètement hostile, mais que du coup le film est déjà assez particulier avec cette fin, et où finalement ce qu'on voit aussi pendant tout le film, c'est au-delà de la masse des zombies, on voit surtout cette famille un peu recomposée dans la maison de... Il y a des racistes, il y a des lâches, de famille dysfonctionnelle qui montre un petit peu les humains aussi dans tout ce qu'ils ont de... Et donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, il en a fait plus que trois, parce que moi je suis longtemps resté avec les trois grands, mais après le territoire des morts, il en a fait un quatrième, puis il en a refait après. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette idée de fascisme, c'est que peu à peu, en fait, on voit aussi que cette communauté zombie, elle devient... Il y a une tendresse de plus en plus forte de Romero pour cette... Oui, elle se développe, une conscience... Et au contraire, une rage peut-être de plus en plus terrible pour la partie humaine, parce que du coup, on en reparlera, mais le zombie... Il y a cette scène de tuerie où les zombies se font vraiment... c'est presque un génocide zombie. Dans le troisième, dont on a parlé un tout petit peu, le jour des morts vivants, là, on est vraiment face au fascisme, c'est-à-dire que les militaires et les scientifiques... Et du coup, là, il y a aussi une évolution, puisqu'il y a un personnage mythique de morts vivants sur lequel on fait des expérimentations, qui est presque humanisé. Et puis, il y a le dernier, qui est quasiment, si Juan Branco l'avait vu, le territoire des morts, Land of the Dead, qui est sorti plus tard, où là, vraiment... Là, alors, le dernier, c'est Vestige, le quatrième, qui était vraiment le grand retour. Oui. Et où là, carrément, il y a une dimension révolutionnaire. Avec une figure de zombie un peu Spartacus qui veut émanciper... Voilà. Et là, il y a un discours presque gilet jaune dans le film, dans le sens où on est vraiment avec une dimension révolutionnaire. Cette tendresse, elle va vraiment, parce que là, du coup, il y a toujours cette idée du... C'est toujours des films sur le fascisme ou sur la société américaine dans les travers de la société américaine, mais il y a vraiment toujours du côté de Romero finalement les zombies deviennent une sorte de communauté amie presque pour lui. Et alors après le succès de La Nuit des Morts Vivants, George Romero a essayé de faire d'autres films dans d'autres genres. Enfin, il reste toujours, il a ses marottes, mais il a essayé un petit peu de s'extraire de cette étiquette réalisateur de films de zombies. Parce qu'il a œuvré, dans le genre en général, et il l'a fait tout au long de sa carrière. Martin est un film qui parle d'une figure aussi connue du bestiaire fantastique, qui est le vampire. On ne sait pas à quel point d'ailleurs il l'est ou il ne l'est pas, ou il le pense qu'il l'est. Mais ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ça, c'est que dans toute sa carrière, il a effectivement essayé d'être assez large dans le genre. Il a fait aussi un film qui s'appelle Incident de parcours, qui est une de ses plus grandes réussites artistiques de mon point de vue, mais qui n'a pas marché. En termes de succès commercial, ce qui fait qu'on l'a toujours ramené quelque part malgré lui à ce succès primaire qui avait été donc la figure du zombie, à laquelle il a décliné régulièrement un volet presque sur chaque décennie. Donc on n'est pas perdant, mais c'est vrai que Romero est beaucoup plus prolifique dans sa création artistique que ce à quoi on l'a cantonné tout le temps par rapport au rôle du zombie. Il y a notamment Knight Rider aussi. Bien sûr. Où il revisite le mythe arthurien, sauf que les chevaliers de la table ronde, ça devient des bikers qui veulent créer un... Ça, c'est une grande passion de Romero, je crois, les bikers. Ouais, dans Zombie aussi, il y a la grande scène des bikers. Tout à fait. Si vous voulez, c'est vrai que les films qu'il a fait après La Nuit des Morts Vivants sont passionnants et je pense très importants. Parce que effectivement, il a exploré différents folklores du fantastique, mais avec une constante quand même. C'est qu'il a un regard justement athée, j'ai envie de dire, en tout cas sceptique et plus presque politique, sociologique. Dans Martin, particulièrement avec l'oncle Cato intégré. C'est ça. Qu'il a fait. Alors, est-ce film... qu'on peut dire rapidement qu'est-ce que raconte Martin? Alors, avant Martin, justement, très rapidement, il a fait un film de sorcière, Season of the Witch, un film qui ne croit pas aux sorcières, un film sur une femme qui se prend pour une sorcière mais qui n'en est pas une. Martin, il y a un film de vampire sur un type qui se prend pour un vampire mais qui vraisemblablement n'en est pas un. Et il a fait un film de zombies sans zombies, The Crazies, qui est un film où il y a une menace, mais bon, on va en parler un peu plus, j'espère. Ou en tout cas, il n'y a plus du tout de paranormal, quoi. Et donc, on sent, et moi, ma théorie, c'est qu'en fait, c'était déjà son idée, dès La Nuit des Morts Vivants, c'est qu'en fait, les zombies, peut-être, n'existent pas. C'est aussi cette idée qu'en fait, les films de zombies avant La Nuit des Morts Vivants, il n'y en a que quelques-uns, c'est toujours une figure très exotique, c'est-à-dire c'est le dérivé vaudou, du vaudou. C'est des films où c'est une créature et lui, il la démythifie complètement, puisqu'il en fait plutôt une sorte de miroir d'humanité dégénérée ou zombifiée. Il démythifie tous les gens, en fait. Chaque fois, il y a toujours cette volonté d'être dans le... Donc, en fait, les créatures, le folklore, le bestiaire du fantastique, c'est plus un prétexte pour parler... Alors, Season of the Witch, c'est un film féministe, c'est-à-dire c'est une Desperate Housewife qui s'ennuie et donc qui finit par virer sorcière pour se... Il y a toujours un discours politique derrière, c'est-à-dire, en fait, il démythifie... Martin, c'est plutôt une sorte de junkie, héroïnomane. Il y a c'est sur le vampirisme. Il a besoin de boire du sang, quand même. Et son oncle, qui, lui, croit en Dieu, c'est un cato intégriste complètement fou. Qui joue toujours une charge. Mais lui, il joue le prêtre. Le prêtre, il joue le prêtre. Mais il a toujours eu des valeurs. Mais voilà, chaque film, en fait, est toujours une charge contre. Complètement, mais parce que Romero est complètement issu de la contre-culture. Donc, à partir de là, il l'a développé à travers ses films en général. Et c'est vrai que Romero, à travers toute sa filmographie, un peu plus forcément sur la saga des vampires, dresse Des zombies. Des zombies, pardon. Dresse le portrait d'une Amérique déliquescente. Et ça lui permet effectivement d'avoir un vrai discours par rapport à ça, à travers tout son cinéma. Donc effectivement, il est fan de genre, mais ça lui permet d'avoir ce message assez radical face aux États-Unis. Land of the Dead étant peut-être celui qui est le moins subtil par rapport à son message, parce qu'il est presque asséné. C'est un pamphlet. Avec des gros sabots par rapport à une Amérique bouchienne. Et justement, ce que je trouve fascinant, c'est que Thibault Hémin, on voit un cinéaste effectivement avec des très fortes convictions de politique et une envie de faire réfléchir avec le genre, qui a commencé avec des films très subtils, très complexes, qui sans cesse font coexister différents points de vue. Et il y a vraiment un sens de la dialectique dans ces films, dans ces premiers films en tout cas. Il prend jamais position, etc. Et on a l'impression que petit à petit, il en est venu, à partir de Day of the Dead et ensuite Land of the Dead, à se sentir obligé d'être beaucoup plus clair, quitte à devenir lourd, parce que il avait le sentiment, et je crois qu'il avait raison, que le message passait pas vraiment. Et puis surtout que lui ne passait, d'autant plus que finalement, il a eu ce premier succès énorme après ses films, il les fait avec des amis dont on parlait la nuit, The Crazies. C'est des tout petits films qui sont très peu vus. Zombie, c'est plutôt un succès. Mais après, il faut vraiment voir que Romero, avant Land of the Dead en 2004, c'est une énorme traversée du désert, notamment ce film Incident de parcours, qui est son seul film de studio. Donc c'est pour lui une sorte de tentative, enfin, c'est son premier film vraiment de studio. D'ailleurs, la fin a été complètement volée à Romero, ce happy end. Ouais. Et ça a été du coup son échec total. Et après, Romero, pendant quasiment 15 ans, on le voit pratiquement plus. Il y a des projets, il fait des sketchs dans des films à sketch. Mais c'est vraiment quand même un cinéaste qui est parti de une sorte de petite communauté avec des petits films faits à trois rien, mais qui a traversé. Il est vraiment revenu avec Land of the Dead, et là, on a un peu glorifié. Oui, puis mais c'est une énorme traversée du désert, et surtout un échec constant dans son rapport à l'industrie. Complètement. Et malgré le succès de Land of the Dead, d'ailleurs, il n'a jamais eu derrière des budgets qui lui ont permis de pleinement s'exprimer. Et d'ailleurs, malgré les succès récurrents, j'aime beaucoup ton doigt levé, mais je vais finir très très vite. Malgré les succès récurrents qu'a pu avoir certains de ses films, en particulier justement ceux des zombies, on lui a jamais alloué un budget à la hauteur de ses ambitions. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il a été obligé d'être plus malin, en particulier dans l'ouverture de Day of the Dead dont on reparlera. Voilà, on voit un crocodile en plein Miami pour aucune raison, mais en fait il y a des raisons. Bref. Ils essaient d'être nous. Non. They used to be us. Ils étaient comme nous. Learning how to be us again. Ils essaient de le redevenir. No way. Je crois pas. Une espèce de virus où je sais pas quoi les fesses relever et les fait marcher. Mais il y a une grosse différence entre nous et ces zombies. They're dead. Ils sont morts. Like they're pretending to be alive. C'est comme s'ils faisaient semblant d'être vivants. What we're doing. C'est pas ce qu'on fait. Pretending to be alive. On fait pas semblant d'être vivants. C'était un extrait de Land of the Dead, le territoire des morts, dans lequel on découvre que les zombies commencent à développer une conscience, et donc forcément évoluent vers quelque chose qui ressemble à un semblant de civilisation, alors que l'humanité telle que l'on la connaît, elle a tendance à régresser et à devenir de plus en plus sauvage. Alors je rappelle que vous pouvez toujours, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour ou un autre déjà abordé dans Blockbuster, mais aujourd'hui on parle de George Romero et on parle des zombies. Et mais George Romero, c'est aussi des amitiés avec des gens qui eux aussi ont brillé dans leur domaine respectif, notamment Stephen King. Qui peut me parler de son rapport à ce grand auteur qu'est Stephen King? Mais Stephen King, en fait, c'est surtout sur un film où là on voit aussi que Romero a toujours été dans un cinéma réaliste, politique, contestataire, parfois aux limites. C'est vrai que Season of the Witch, c'est un film très difficile à regarder parce que c'est un film presque un home movie, très réel. C'est beaucoup moins fun, on va dire, que ces films de mort-vivant qui sont souvent des films d'action. Et c'est Creepshow, en fait, après Zombie. Il fait un film vraiment de pur plaisir, et là c'est vraiment un retour à son enfance avec Stephen King. Qui a préfiguré d'ailleurs les contes de la crypte, ça a été fait avant. Ouais, complètement. Et là on est dans l'imaginaire total des EC Comics. C'est aussi exactement son hommage à EC Comics, qui est donc une anthologie de bandes dessinées d'horreur. Donc là on est dans un film à sketch qui présente quatre histoires, et c'est vrai que dans Creepshow du coup on voit Stephen King qui joue un des personnages justement dans un des sketchs, qui est personnage principal dans celui de la météorite. Donc voilà, c'est des alliances qui sont logiques quelque part, dans le sens où, oui, effectivement, on a certainement envie, quand on bosse dans ce secteur-là, de bosser avec des gens hyper talentueux et créatifs. Donc King, Romero et bien évidemment Argento, par le biais de Zombie, sont des connexions qui se font artistiquement parlant et qui résultent la plupart du temps d'un succès artistique. Et l'amitié qu'il a entretenue avec Dario Argento s'est faite donc sur le deuxième opus, Zombie, mais il y a eu plein de versions de ce deuxième film. Plus de 614, très exactement. Parce qu'il y a vraiment eu énormément de montages, il y a eu un montage italien, un montage américain, un montage international. Et c'est vrai que du coup, c'est même un peu compliqué de savoir quel est le véritable montage de Romero. C'est pas forcément d'ailleurs celui... Qui est peut-être son préféré. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a eu Dario Argento qui a bossé en tant que monteur sur le film. En fait, il y a vraiment deux versions connues. En tout cas, c'est celle qui était très rare, mais maintenant qu'on peut voir, celle de montée par Romero, qui est beaucoup plus proche de son univers, un peu de ses films. C'est-à-dire, c'est plus lent, plus... C'est un film, mais... Avec un peu plus d'humour aussi. Oui. Peut-être, oui. Mais c'est vrai que celle d'Argento, donc Argento qui a été fan de... Ils se sont connus dans les années 70. Il a décidé de le produire avec son frère, je crois. Et du coup, le film est produit par Argento, et Argento a décidé de faire une version européenne, montée par lui-même, et il a rajouté la musique des Goblins, c'est un groupe rock. C'est un très bon choix. Et du coup, le film est archi-rythmé, et là, pour le coup, c'est une vraie rencontre, parce qu'on sait que Romero, c'est un grand monteur, mais pour le coup, la version montée par Argento, c'est vraiment un film qui scelle d'un coup avec Tom Savini. Enfin, on a vraiment, là, on a la rencontre de plein de talents au même moment. Et dans ce film, on part dès le début du film, on sait que l'épidémie de zombies s'est propagée sur la planète entière, et on suit en fait un groupe de survivants qui va se réfugier dans un centre commercial, et il y a évidemment en filigrane cette critique assez sévère de la société de consommation et du capitalisme, parce que voilà, on a un groupe d'humains assiégés par des hordes de zombies dans un temple de la consommation où chacun essaie de redonner sens à sa vie, mais la vie pour ces survivants, c'est consommer, c'est jouir. Pour les zombies aussi. Oui, ouais. Oui, non, mais en fait chacun, il y en a qui consomment des baskets, ils font du tennis, etc. Et puis d'autres, les zombies qui veulent consommer de la chair, mais on est exactement dans une sorte de miroir. Et film qui a subi un remake de Zack Snyder, écrit par James Gunn un peu plus tard, L'Armée des Morts, ouais. qui est le remake de Zombie, mais qui a une histoire complètement différente. Tu peux nous en parler un petit peu, Dedo? Histoire différente, oui, dans le sens où il y a eu une réinterprétation du scénario original et qu'on en a fait un film qui est beaucoup plus gore et violent que ce qu'a voulu en faire à la base Romero dans justement le film original. C'est pour ça qu'il reste assez anecdotique, mais qu'il a été marquant dans l'inconscient collectif, parce qu'effectivement les films de Romero peuvent amener ça, peuvent amener des remakes. Et d'ailleurs je suis assez étonné qu'on n'ait pas encore eu beaucoup plus de choses de ce genre là actuellement. Bah ouais, mais je trouve qu'il est pas vraiment anecdotique, justement. C'est très marquant. C'est un espèce de contresens, le remake de Snyder, bah pour oui. moi. Et tous ces films à partir de comme Resident souvent. Evil aussi. Les jeux comme Resident Evil qui ont fait tout ce dont Romero essayait de parler, c'est-à-dire une espèce de jouissance fascisante de l'extermination pure, quoi. La jouissance de l'extermination. Alors que, voilà, justement, Romero a ouvert la porte à ça, alors qu'il essayait de nous alerter, de nous faire réfléchir là-dessus. Et quand on revoit Zombie, c'est vraiment passionnant, parce que on s'aperçoit qu'il a effectivement déjà fixé tous les codes qui vont être ceux de tous les films, les séries, les jeux de zombies, y compris Walking Dead. Hein, tout est là, tout est dans Zombie. Et l'aspect, je dirais, fascisant, la jouissance un peu fascisante, elle est là en fait aussi, c'est-à-dire la joie qu'ont les personnages de trouver ce supermarché, de faire tourner les zombies en bourrique, et de les ridiculiser, d'être plus rapide, plus fort, plus intelligent que la masse des zombies. Malgré tout, il y a une forme de jouissance là-dedans qui, je trouve, a en fait ouvert la voie à toute cette espèce de contresens politique. Et d'ailleurs, Thibaut Aymin, là on va extrapoler un petit peu le pur plaisir qu'on peut avoir en tant que cinéphile à regarder ces œuvres et aller plus sur le terrain du politique. Est-ce que le vrai contresens qui peut exister aujourd'hui sur les zombies, sur les héritiers de Romero, c'est pas justement que Romero, pour lui, même s'il parlait de zombies, il n'oubliait pas que c'était les gens à la base. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir une forme de jouissance, comme vous l'avez dit, de pornographie à montrer des zombies qui se font zigouiller, etc. Et il y a quelque chose presque de l'ordre. On peut les tuer parce que c'est pas grave, ils sont déjà morts, et on peut leur faire ce qu'on veut, vu que de toute façon ils ont déjà trépassé. Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'Hollywood n'a pas à approcher les zombies de cette manière? Complètement. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est de voir que Romero il a malgré tout déjà amené cet aspect-là dès La Nuit des Morts Vivants. C'est-à-dire que le plaisir de tuer, il existe. En fait, le personnage, si vous revoyez les morts vivants, le héros, le Black, qui s'appelle Ben, il raconte sa première la première fois où il a été confronté avec des zombies. Et dans son récit, en fait, c'est lui qui attaque le premier. Il dit, et ça ressemble un peu à, ça pourrait être un récit d'un soldat du Vietnam, il dit, ils étaient là, ils me regardaient, ils ne bougeaient pas. J'ai eu envie de les faire valser en l'air avec ma voiture, quoi. Donc ça parle quand même dès le début de ça. Vincent Malassa ? Et pour venir à Zombie, il y a une scène vraiment marquante, puisque c'est peut-être la scène la plus spectaculaire de Zombie, c'est la grande scène des motards qui investissent le centre commercial et qui d'un coup s'amusent, parce que c'est vraiment ces milices qu'on voit déjà un peu dans la Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire eux ils s'amusent. Et il y a cette immense scène, puisque Tom Savini, le maquilleur dont on parlait, joue un des motards, et lui se régale, puisqu'il nous fait une démonstration d'effets spéciaux, gore, comme on en avait à l'époque quasiment jamais vu. C'est un sommet, cette scène. Et c'est monté comme un clip. Et cette scène est terrible, parce qu'en fait, on était tout le temps avec les autres humains, qui eux sont face aux zombies pendant tout le film. Et cette intrusion des bikers qui viennent juste pour tailler dans les zombies, dans une qui est fabuleuse, hein, c'est une scène d'action vraiment hors norme, mais elle crée vraiment un malaise, puisque là, clairement, on bascule, puisqu'on voit... On voit les propres humains qui étaient dans leur centre commercial en train de se terrer, assister presque avec horreur. Finalement, les vrais méchants du film, c'est ces bikers qui viennent tuer. Donc là, on est vraiment dans la mise en... Enfin, ce que tu disais, en fait, ça met complètement à l'envers l'idée, puisque là, on est vraiment dans une vraie pornographie gore qui est complètement exutoire et jouissive, parce que c'est un moment de l'histoire du cinéma unique, presque, en termes d'effets spéciaux, réalistes et de furie comme ça, gore. Et en même temps, on est vraiment dans le malaise, puisque là, on voit vraiment ça met complètement en perspective ce dont tu parlais. Et pas totalement réaliste non plus, parce qu'il y a un côté tarte à la crème. Ça reste très ludique. Parce que Romero est quelqu'un aussi qui sait très bien manier l'humour dans ses films. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est cette dichotomie qu'on peut avoir entre un message politisé et quelque part rentre dedans la plupart du temps sur une certaine Amérique et une certaine politique inhérente à la décennie dans laquelle il les tourne, et à côté de ça quelque chose de très très décomplexé, très ganguignol et très quelque part cohérent avec ce qu'est le cinéma d'horreur, sauf qu'il arrive à instaurer les deux, c'est-à-dire que contrairement à un peu plus tard dans les années 80 quelqu'un comme Sam Raimi, par exemple, qui est quelqu'un que j'adore aussi, mais qui est quelqu'un beaucoup plus axé sur quelque chose de fun, oui. Romero adore allier les deux. Et pour lui, c'est vraiment toujours important. Dans cette fameuse scène de zombies, il y a aussi l'idée, d'ailleurs, que on a vraiment, c'est le premier moment, je pense, dans ces films de zombies où on a vraiment pitié pour les zombies, pour le coup. C'est une scène où on est à la fois dans la jouissance du spectacle et dans la pitié, réellement. Mais il instille ça au fur et à mesure, justement, à chaque volet. Ça devient de plus en plus présent. Dans le jour des morts vivants, c'est encore plus présent avec un zombie sur lequel on va faire des expériences. Alors, George Romero a créé un genre, le film de zombies. Mais depuis, les zombies sont partout. On en trouve pour tous les âges, sous tous les formats. Et il y en a, eh bien, ils n'aiment pas. Le problème aujourd'hui, c'est que le zombie, c'est devenu une métaphore tout terrain. C'est-à-dire qu'il y a le fameux guide du survie, manuel du survie, de survie en territoire zombie. Il y a eu Orgueil et préjugés zombie, une espèce de pastiche du bouquin de Jane Austen. La démocratie n'a pas un but finalement prospectif, inventif, mais un seul but de réaction et de rétractation contre la guerre civile, parce qu'il est toujours question de cette limite. Finalement, est-ce qu'il est encore mort? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que je dois me tuer ou manger mes enfants? Est-ce que vivre avec quelqu'un qui a Alzheimer, c'est encore un être humain? Est-ce que le fœtus, c'est déjà un zombie ou encore un être vivant? On se rend compte finalement qu'évidemment on peut considérer que plus un phénomène se répand, plus il perd à la limite de son origine, de son essence et là de sa puissance subversive politique. Le zombie dont on parle aujourd'hui fait que maintenant même de 7 à 77 ans, c'est comme le Monopoly, il y a des mamies et des enfants qui à Strasbourg défilent déguisés en zombies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. On voit bien que aujourd'hui le zombie est une créature qui est totalement apprivoisée. C'est ça l'idée évidemment aujourd'hui du zombie, mais la puissance subversive politique telle qu'elle a été fondée par Romero en 68 et dont au fond on n'est pas sorti, à mon avis a disparu. Et tant partout, je pense que le zombie au fond n'est plus vraiment nulle part aujourd'hui. Alors c'était un extrait de la dispute sur France Culture en 2012, et alors habituellement dans la séquence du troll, on a tendance à piocher dans le masque et la plume pour trouver des gens qui n'ont pas aimé, mais figurez-vous, et vraiment là il faut le noter, qu'à la sortie de La Nuit des Morts Vivants, eh bien le masque et la plume, ils ont aimé. De tous les hôpitaux, de toutes les morgues, naissent, renaissent ces personnages étranges qui ont besoin pour continuer à vivre de dévorer de la chair vivante. C'est avoir une espèce de cannibalisme étrange. Pasolini était l'enfant de cœur à côté de tout ça. C'est presque un film un peu gag par moment, je trouve. Tellement moi, je connais des gens qui ont failli s'évanouir. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je voulais le passer parce que ça m'a semblé tellement énorme. À la sortie, le masque et la plume, envers et contre tout, a dit, eh bien, La Nuit des Morts Vivants, c'est intéressant. Donc, il fallait le noter. Hein. Oui, comme quoi, parfois, ils ont raison. Mais oui, quelquefois. Alors, on a parlé des héritiers des héritiers du genre de films de zombies. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement les zombies ont été apprivoisés et seul Monsieur Romero a su les faire s'exprimer comme il devait parler? Question vaste. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Ouais, complètement. Après, moi, je dirais quand même qu'il y a cette idée de les films de Romero. Et on l'a dit, c'est quand même vraiment des films des post-apocalyptiques qui annoncent beaucoup de. Et voilà. Et malgré tout, aujourd'hui, on est dans un cinéma apocalyptique, souvent post-apocalyptique. Et... Mais même une littérature, parce que la collapsologie aujourd'hui, oui, ouais, bien sûr. Tous ces mythes de l'effondrement, le survivalisme. Et d'ailleurs, même au niveau de l'information, est-ce que, alors là, peut-être que des auditeurs vont sauter de leur chaise, mais est-ce que quand le traitement médiatique, par exemple, des Gilets jaunes, est-ce que on n'était pas proche de la manière dont on traitait les zombies dans les films, c'est-à-dire que les Gilets jaunes éborgnés, au bout d'un moment, on n'avait même plus l'impression que c'était des êtres humains, c'était juste une masse qui pouvait perdre un œil lors d'une manifestation et tout ça. C'est cette masse qui avançait tous les samedis sur Paris. Voilà, il y a quelque chose de très très proche. Faut vraiment être de mauvaise foi pour pas avoir une sorte de parallèle entre la manière dont le cinéma d'horreur de Romero a traité les zombies et la manière dont on traite aujourd'hui finalement tous ceux qui sont contestataires, parce que ça peut être aussi bien des Gilets jaunes, que ça peut être des migrants, que ça peut être toute personne qui se constitue en masse et qui vient réclamer quelque chose aujourd'hui. Voilà, quand on voit ces forces de l'ordre face à des manifestants, est-ce qu'on n'est pas dans le cinéma des gueux, Romero, bien sûr. Oui, oui. Mais ça, il le disait. Hein, il disait de toute façon, Romero, en interview, on pourrait faire un film de zombies tous les 5 ans. Il était conscient d'avoir inventé un mythe qui était perpétuel, en fait, qui n'était pas lié à la guerre du Vietnam ni à une période précise. Et bien sûr que on est en plein Romero dans la période actuelle. Moi, ce que je trouve vraiment passionnant par rapport à ce dont on parlait, c'est quelque chose dont lui, il n'a pas vraiment eu l'occasion de parler, c'est effectivement ce succès incroyable des zombies auprès du très, très grand public, de 7 à 77 ans, comme disait l'autre. Et là, je trouve que ça, il y a quelque chose dont il faut parler. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça révèle? Quel besoin ça révèle, ce fantasme, ce désir de zombie? Vincent? Moi, juste pour rebondir sur cette idée, c'est aussi que sur les gueux, en tout cas l'idée d'une force comme ça, dans Land of the Dead, on disait c'est un peu schématique, mais il y a vraiment cette dimension où c'est vraiment la ville bétonnée, un château fort pour les zombies qui sont une sorte de masse comme ça. Et donc Romero, il y a toujours eu, on a dit, oui, il a fait un film dans les années 60, 70, 80. C'était les trois grands, la trilogie au début, on ne savait pas qu'il allait en faire un parce qu'il a longtemps erré. Et chacun parlait vraiment de son époque, c'est-à-dire, on l'a dit, La Nuit du Morbihan, c'est un peu le Vietnam. En tout cas, l'horreur qui surgit à l'écran d'une Amérique, d'une boucherie, il a voulu faire vraiment un film presque d'actualité. Le consumérisme, les années 70, après toute la période de Beatnik, Flower Power. Et les années 80, on n'a pas beaucoup parlé du Jour de Morbihan, qui est un vrai film anti-réganien, c'est-à-dire on est dans un bunker à l'époque où Reagan, en fait, promeut un cinéma guerrier, où l'armée américaine de Rambo 2 jusqu'à avancer. Et lui, fait un film quasiment dans un tombeau qui est un bunker militaire. Et Land of the Dead. Donc, il y a peut-être, on parlait des héritiers. Et après Land of the Dead, c'est un peu reparti. Moi, je pensais surtout à un film parce que Romero voulait que ce quatrième épisode dans les années 80, il rêvait de le faire bien avant Land of the Dead, ce soit un film sur les SDF. C'est-à-dire, il voyait les SDF proliférer dans les villes et il disait, ça serait mon quatrième opus, ce serait un film où les zombies sont comme ça parmi nous, mais simplement comme les SDF aujourd'hui, cette idée d'une autre société. Et il y a un cinéaste qui finalement l'a fait presque malgré lui, c'est le coréen Yeon Sang-ho, je crois, qui a fait Le Dernier Train pour Busan. Mais avant, il a fait un film d'animation qui est magnifique, qui reprend tel quel cette idée, puisque c'est un film sur les SDF de la gare de Séoul. C'est de l'animation, et où les zombies sont vraiment une sorte de population comme ça. Oui, puis c'est vrai que les SDF aux États-Unis correspondent totalement à ça. C'est une masse sans nom. Quasi invisible. Invisible, et les gens ne font même plus attention à eux au bout d'un moment, et c'est intéressant. Quand on parle des États-Unis, on pourrait appliquer ça à la France aussi. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, en tout cas en plus à l'époque, c'était quelque chose d'assez présent, de voir justement les gens qui revenaient du Vietnam mis au banc de la société et quelque part les voir errer eux aussi. D'ailleurs, il y a un film de zombies magnifique sur le des années 70 de Bob Clark, Le Mort-Vivant. C'est le retour d'un qui du coup est très romérien, parce que je crois que c'est vrai. Il y a ce qui est un film un peu fait de cette manière sur l'idée d'un retour du Vietnam comme un comme une métaphore presque pas maquillée justement du zombie en soi. Et c'est vrai que quand tu parles de l'appliquer au SDF, et ben il y a Trey Parker et Matt Stone qui l'ont fait dans un épisode de South Park pour le coup, où vraiment on voit les SDF comme des zombies, littéralement comme des zombies. Comme quoi les gens brillants savent parler des vraies choses. Je comprends que certains d'entre vous soient soucieux et je tiens à vous assurer qu'au cas où les choses tourneraient mal, des mesures ont été prises. J'ai établi des avant-postes avec des provisions et des vivres pour nous permettre de subsister en chemin. En chemin pour aller où ? Partout où nous souhaitons aller. Différents sites ont été choisis pour nous et pour nos familles, ainsi que le personnel nécessaire à nos besoins. Pour ce qui concerne les autres, tous les autres peuvent être remplacés par d'autres. Mais vous êtes en train de m'interrompre, Bill. Ce n'est pas le moment. Juste quand je parlais de la façon dont les gens peuvent être remplacés. Un jour peut venir où vous serez amené à assumer des responsabilités, mais pour l'instant, ces responsabilités, mes choix, ce sont les miennes. C'est mon esprit ingénieux qui a pris ce monde ancien, qui l'a transformé en quelque chose de nouveau. J'ai mis en place des clôtures pour notre sécurité. J'ai engagé des soldats, j'ai payé leur instruction. J'ai tenu le peuple à l'écart des rues. En lui offrant des jeux et des vices, ce qui m'a coûté beaucoup d'argent, mais je l'ai dépensé parce que c'est ma responsabilité. Est-ce que vous comprenez maintenant le sens du mot responsabilité ? Nous devons faire ce que nous devons faire. Un extrait de Land of the Dead, le territoire des morts, dans lequel Dennis Hopper, doublé en français par Pierre Londich, qui interprète Kaufman, donc dans ce film, un riche promoteur qui trône au sommet de sa tour d'argent, explique comment il s'est approprié ce monde et qui lui appartient et auquel tout le monde lui doit reconnaissance et respect. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a pris Dennis Hopper, le fameux biker Dizzy Rider, qui serait complètement revenu de ses illusions 68-ardes et qui serait devenu une sorte de capitaliste hyper-libéral. Donc il y a aussi une sorte de clin d'œil. Ce qui est le cas, parce qu'il paraît que Dennis Hopper est réellement devenu républicain. Ouais. Ah bah voilà, comme tout ça. À cette époque, il jouait son propre rôle, en fait. Et on va entendre OK Boomer là-dessus. Une fois qu'il a arrêté les drogues, effectivement, il s'est fait rattraper par le capitalisme américain, comme beaucoup d'Américains en général et beaucoup de gens, je pense... sont vite rattrapés par ça. Ce qui est intéressant en plus dans la figure du zombie, c'est que tout est une métaphore sans l'être vraiment, parce que on se rend compte que le zombie est contrôlable quand il est seul, mais qu'on n'arrive plus à le gérer dès que ça devient une masse. Oui. Ce qui est une métaphore évidente. Oui, tout seul, du rôle il de est l'être faible. Humain socialement, quoi. Oui, tout seul, il est faible, mais en groupe, il est extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux, et je pense que c'est le message qu'il essaye d'instaurer par rapport à ce que veulent le contrôle politique et par rapport à ça. Les gens ont peur de ça. Enfin, et justement, pour revenir à ce que disait Thibaut Manin précédemment sur. L'impact du zombie dans l'industrie du divertissement aujourd'hui. Pourquoi le zombie, plus que tout autre, remporte un tel succès ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse autour de la table ? Il y en a plusieurs. Je pense que déjà, c'était dernièrement... Déjà, c'est une figure assez contemporaine par rapport au grand bestiaire fantastique. C'est assez récent, le zombie. Hein, ça date... Effectivement, il y a eu White Zombie avec Bela Lugosi dans les années 30. Et puis après, c'est surtout Romero qui l'a postmodernisé et instauré. Mais ça remonte à 68, donc c'est assez récent. Contrairement au loup-garou ou au vampire... Oui, c'est une création du cinéma. Exactement. C'est pas une création littéraire comme les différents genres. Création d'un homme. Du fait que ça a été moins exploité, je pense que du coup, c'est devenu quelque chose de un peu nouveau. Et je pense qu'il y a ce côté. Même si aussi... les momies sont des zombies un peu fascistes. Hein. C'est vrai. Il a fait un film de momies, un sketch, pour un film à sketch. Je crois que c'est lui qui a fait, dans Dieu, avec Argento, ils ont fait un film à sketch. Et lui fait. Une... Oui, et je crois que lui fait un film de momies, justement, qui est plus ou moins un film de zombies. Qui est déjà, quelque part, ouais, un film de zombies. Et après, le fait que ça a été exploité ensuite. Dans la contre-culture, je pense qu'il y a une idée de contamination qui est intéressante auprès des gens, et je pense que c'est une figure qui est beaucoup plus axée sur le gore, et que l'horreur moderne, quelque part, a malheureusement beaucoup moins de messages et privilégie justement le côté visuel. Mmh. Donc, pour le coup... Et l'autre aspect, pour moi, c'est vraiment aussi l'idée qui a été aussi un petit peu ce qu'on disait, c'est un peu aseptisé avec cette idée du goût de shoot them up un peu, c'est qu'en fait, ça s'est complètement recyclé dans le jeu vidéo. Pendant que Romero disparaissait, en fait, il y a eu énormément de jeux vidéo et la naissance de ces fameux jeux... Avec Resident Evil. Voilà. Il y aura un podcast justement spécialement consacré au survival horror. Du coup, je pense que ce qui a beaucoup fait que Romero est devenu une figure comme ça au moment où le jeu vidéo a vraiment explosé et devenait un art de masse, c'était ce moment où on a beaucoup réutilisé la figure de la balle dans la tête et du shoot them up, et que esthétiquement, en fait, dès la nuit des morts vivants, on a une esthétique qui se prête à ce que ça se développe sur, sur le média du jeu vidéo, qui a été quand même, je pense, ça a permis de, à la fois de noyer un peu la figure du zombie en tant que figure politique peut-être, mais en tant que figure... Et graphiquement, il y a un truc de défouloir aussi. Voilà. Qui est assez... Et d'ailleurs, après, dans le film c'est quelque chose qui a changé ensuite, parce que par exemple, des jeux comme Last of Us, qui utilise lui aussi la figure du zombie, est éminemment politique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il montre. Mais Zack Snyder, en tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est, je me rappelle d'une, de l'ouverture qui est absolument magnifique esthétiquement, et où là, clairement, on voit que lui, c'est très joli. Chercher dans le film de Romero, c'est pas le message politique, mais c'est vraiment du coup esthétiquement d'aller chercher quelque chose qui est plutôt beau d'ailleurs dans le film. Ouais, avec un plan de prière musulmane qui prête un peu à politique. Ah oui, après je parle vraiment esthétiquement. Ouais, c'est Snyder politiquement, je trouve très sur l'aspect. Mais on est d'accord. Et Thibaut Manin, qu'est-ce que vous en pensez? Thibaut Manin. Moi je trouve que effectivement les explications elles suffisent pas. Il y a quelque chose de infiniment surprenant dans ce succès des zombies, et je pense que ça révèle beaucoup de choses. Je pense que on peut avancer une explication qui est quand même que ce sont des générations, les nôtres, qui n'ont pas connu de guerre souvent, et qu'il y a un espèce de retour du refoulé aussi là-dedans, un besoin invraisemblable de violence, et des gens qui n'ont pas forcément connu la violence réelle. Et puis il y a quelque chose qui est exactement ce que prophétisait Romero, qui est la facilité avec laquelle on tombe dans une jouissance fascisante, quoi, le besoin d'exterminer l'autre, quoi. Et cette manière dont les zombies dépouillent l'autre de son humanité et nous autorisent en fait ce qu'on appelle la violence légitime. C'est ça la question derrière. C'est la violence légitime. C'est qu'à un moment donné, on a le droit de tirer dessus. Il faut tirer dessus. Et donc ça fait ressortir ce besoin qui est toujours là en nous, en fait, plus que jamais. Il y a une scène mythique de zombies qui a fait que le film a été interdit. À l'époque, c'est un de ces fameux films sous Giscard qui ont été interdits pendant 5 ans avant de ressortir dans la mythique l'édition VHS par lesquelles on a beaucoup découvert zombies. Je pense. Moi, j'ai découvert par les VHS, voilà. Et les vidéoclubs. Et c'est un des fameux films bannis réellement, censurés par le gouvernement, à cause d'une scène qui était celle où, parce que Romero pose toujours cette question, il y a déjà tué quand c'est un proche qui renaît en zombie, il y a toujours ça. Mais il y a aussi les deux enfants dans zombies, il y a un meurtre, Il y a le moment où deux enfants zombies ils se font tuer froidement, et c'est à cause de cette scène que le film a été censuré, parce que tuer deux enfants, même si c'était deux enfants, deux zombies, avec Romero, on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit ou pas. Oui, il a posé toutes les questions déjà, de toute façon, tout était là. Bon, c'est un sujet vaste qu'on va continuer d'explorer pour encore 3 podcasts. Dedo, Thibaut Aymin, auquel je présente mes plus plates excuses pour l'avoir appelé Thibaut Manin. J'espère bien. Voilà, mais c'est mes coquilles sur mon iPad. Une fois que j'ai commencé à les faire, je les fais jusqu'au bout. Vincent Malossa, merci. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer Georges Romero. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. T'es complètement effroyable. Complètement effroyable. Bon Dieu. Blockbuster est un podcast original de France Inter.